Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Les uns y voient un embarquement pour Cythère, l'île d'Aphrodite, un fascinant paradis sur pilotis, la belle Réri et Mattei, pêcheurs de perles, dans le film Tabou de Friedrich Murnau. D'autres, dans une approche esthétisante, y perçoivent un art des îles, rare, cher et surtout très convoité. Mais sortons de cette mièvrerie entre beauté et exotisme entourant le mythe polynésien. L'archéologie révèle-t-elle une autre réalité, celle de chefferies complexes, avant l'arrivée de James Cook, celle peut-être aussi d'un monde mourant, celui évoqué en 1907 par Victor Segalin dans Les Immémoriaux. Pour entrevoir cet univers insulaire, son passé, ses mutations entre déclin et renouveau, deux invités, Marie-Noëlle et Pierre Otineau, bonjour. Bonjour. Carpanoui. Marie-Noëlle Otineau, vous êtes ethno-archéologue dans l'UMR PALOC du CNRS. Pierre Otineau, vous êtes archéologue chargé de recherche à l'IRD. Prenons prétexte de l'exposition Mata Oata du musée du Quai Branly. Nous nous centrerons sur les marquises dont vous êtes les incontournables spécialistes. Pierre Otineau, les marquises, celles-ci constitueraient-elles l'un des anciens jalons du peuplement de la Polynésie orientale? L'un des anciens jalons, évidemment, mais ce n'est pas le seul, parce que ça fait partie de tout un ensemble. Déjà, il a fallu que les anciens Polynésiens arrivent aux Marquises. Et en arrivant aux Marquises, forcément, ils ont dû passer par les îles de la Société, les Tuamotu, atteindre ces archipels, cet archipel central au milieu du Pacifique, un des plus éloignés de tous les continents. Et donc, c'est un jalon, évidemment, avant le peuplement de Hawaï, de la Nouvelle-Zélande, de l'île de Pâques, et certainement et peut-être plus loin. Même de l'Amérique. Là, évidemment. On en parle souvent. Ils y sont allés et ils en sont revenus. À quand remonte l'arrivée des premiers hommes, entre guillemets? Ah, bon, là, ce n'est pas une colle, bien sûr. Les archéologues adorent les dates, bien sûr, les datations. Il faut remonter à Robert Suggs, qui dans les années 50, 56, 57, a obtenu des dates très anciennes avec la toute nouvelle méthode du radiocarbone, le C14. Là, c'était autour de 200 ans avant Jésus-Christ. Moi-même, j'ai obtenu une date de 150 ans avant Jésus-Christ. Mais les datations sont peut-être pas aussi fiables qu'on le dit, ou les matériaux n'étaient pas tout à fait adéquats. Actuellement, ces dates anciennes sont remises en cause, et la datation qui n'est plus contestée par les archéologues, il faut évidemment la rajeunir, aller jusqu'à 800 ans après Jésus-Christ. Donc si on a 800 ans, évidemment, là, on n'a pas forcément touché le site du premier accostage, de la première installation, donc peut-être 600 ans après Jésus-Christ, pour l'archipel des îles Marquises. Et avant, par exemple, dans les îles de la Société? Eh bien là, on n'a pas de datation ancienne pour l'instant. Et les datations les plus anciennes sont aux Marquises, sinon il faut aller vers les îles Cook, bon, en dehors de la Polynésie occidentale, bien sûr. C'est assez tardif, 600 ans, 800 ans. Eh bien, c'est tardif. Après notre... les Européens, les Occidentaux, ils sont arrivés au 16e, au 17e, 18e siècle. Donc, dans l'histoire de l'humanité, évidemment, c'est une performance extraordinaire. C'est la première fois où l'être humain est allé, franchement, découvrir des îles par des vaisseaux, des pirogues, mais bien sûr, qui étaient des vaisseaux sur le Pacifique. C'est ancien, mais les distances sont considérables. Les îles sont très éloignées les unes des autres et de plus petites dimensions, en partant de l'Asie du Sud-Est, de la Mélanésie, en allant de plus en plus vers la Polynésie orientale. Donc des distances énormes et une dispersion dans l'immensité du Pacifique, il faut les trouver, les îles. Ça, c'est pas simple. Donc ça révèle également une volonté profonde de découvrir, d'aller au-delà de l'horizon pour trouver de nouvelles terres. Et ils ont touché toutes les îles polynésiennes. Le long périple des Austronésiens, puisque tel est leur nom au départ du moins, est une véritable épopée qui, on le dit, de Taïwan les mène forcément jusqu'aux îles Marquises, voire au-delà. mais pas directement. Hein. Les Polynésiens, les Marquisiens, ne leur dites pas qu'ils sont made in Taïwan. Mais entre Taïwan et la Polynésie orientale et les Marquises, bon, il y a des tas d'étapes, des tas de générations, donc des mélanges de populations. Ils deviennent tels que les Occidentaux vont les découvrir en Polynésie occidentale. On peut parler de véritables expéditions volontaires, de conquêtes d'îles, de recherches ? De recherche en tout cas. Et ça, c'est vraiment une constance de l'être humain, c'est la curiosité. La recherche, et en fin de compte, on dit toujours, ce sont des navigateurs, mais ce sont des chercheurs dans tout le sens noble du terme, même recherche scientifique, si l'on peut dire, hein, à part que les termes n'étaient pas les mêmes. Mais il y a une volonté de découverte, mais pas des grandes épopées. Nous, on parle toujours de migration, de grandes épopées, mais il y a une curiosité, et avant de découvrir, on voit les pirogues doubles portant femmes, enfants, animaux, végétaux. Mais là, c'était après que les îles aient été découvertes. Les premières expéditions étaient certainement le fait d'équipages beaucoup plus réduits, de personnes qui avaient une certaine expérience, bien sûr, pour se diriger aux étoiles avec les éléments naturels, de jeunes également en pleine santé, en pleine forme, et certainement, ils utilisaient des pirogues à balancier qui étaient beaucoup plus maniables, beaucoup plus résistantes également, et qui pouvaient se renverser. Mais ils pouvaient les remettre à l'eau, accoster, réparer, et donc c'était beaucoup plus simple. Il y avait une proximité avec les éléments, et même la fragilité de ces pirogues, en fin de compte, était un avantage, parce qu'on pouvait les réparer facilement. Alors voilà une première technologie tout à fait extraordinaire, qui embrasse d'ailleurs tout le monde indo-pacifique, grosso modo, la pirogue à balancier. La pirogue à balancier, mais je pensais à autre chose quand Pierre parlait. Dans ces mouvements de migration qui ont permis la découverte, je sais pas, mettons autour du 12e siècle après Jésus-Christ, je pense qu'il y avait déjà un bon nombre d'îles du Pacifique qui étaient visitées, en partie peuplées, ce qui est intéressant, c'est ce fonctionnement, déjà par spécialisation, et le fait que les écoles de navigateurs sur des îles, sur des archipels, aient cette façon de procéder qui fait que par période, aux bonnes saisons, hein, des alizés et autres, on partait pour aller aussi faire des échanges, mais aussi peut-être découvrir et rapporter quelque chose dans l'île d'où l'on vient. C'est un système qui est extrêmement important. Il y a les contacts qui doivent être établis d'île en île, d'archipel en archipel. La nécessité se fait sentir parce qu'il y a des îles qui ont leur spécialité, hein, l'histoire de la Kula, etc., est connue. Et donc, ils vont déjà partir dans des îles chercher quelque chose, mais au-delà de ça, ils vont aussi découvrir pour ramener du nouveau, j'allais dire. Et les récits anciens, polynésiens, des navigateurs, rapportent ces événements, Aka ou d'autres. Il y a des héros qui sont pan-polynésiens, de ces grands navigateurs qui partent, les uns. Alors, il y a presque des aventures telles que Simbad le marin, hein, ils rencontrent des monstres, des oiseaux gigantesques, des poulpes extraordinaires, et puis ils vont aller chercher l'arbre à pain, un tel va apporter l'arbre à pain, un autre va apporter telle technique, on y amène des femmes aussi, on échange, c'est tout un système d'appropriation de la mer et de l'océan. Des échanges de femmes ou autres, donc un jeu de l'alliance. Ah, jeu de toutes sortes d'alliances, bien évidemment, et d'échanges, quoi, bien entendu. Et c'est fondamental. Sur ces îles isolées, justement, ils ne sont pas aussi isolés. À chaque fois, il y a un caractère d'indépendance très fort, mais un besoin de solidarité. Et toutes ces équipées, même ça fonctionne encore maintenant, malgré tout, malgré le changement de vie. Souvent, ce sont des jeunes qui sont un petit peu parfois à la marge de la société, mais là, qui acquièrent une réputation, parce qu'ils vont, c'est quand même difficile, hein, il faut vraiment une volonté, une force, une résistance, mais on rapporte quelque chose à la communauté qui est resté sur l'île principale. Et là, du coup, ils acquièrent aussi un statut qui leur est reconnu. Donc ça permet vraiment toutes sortes d'attitudes et d'intégration dans la société. Pierrotino, vous me parliez d'expéditions tout à fait volontaires, mais pour qu'une expédition puisse marcher, il faut être un nombre suffisant pour pouvoir s'implanter, avec forcément hommes, femmes, enfants, et peut-être aussi le cochon, la poule et le reste. Oui, évidemment, mais au départ, on ne part pas, parce que là, on part dans l'inconnu. Donc on ne va pas partir avec toute cette population et ce matériel. Sauf vraiment s'il y a un problème, s'il y a un massacre, s'il y a une guerre ou un volcan qui oblige à partir. Mais là, on ne part pas dans les meilleures conditions. Avant, il y a des prospections, c'est un équipage relativement réduit qui prospecte, qui va pêcher, rapporter des écailles, du poisson, des coquillages au village principal, à l'île principale. Et du coup, cette île, reconnue par un petit équipage, rentre dans la constellation des terres connues. Et à un moment donné, évidemment, là, il y a un départ beaucoup plus important avec femmes, enfants et plantations. Et l'on fait des cartes tout à fait extraordinaires, des cartes avec des petits bouts de bois, c'est bien ça ? des petits bouts de bois, de bambou et des coquillages qui permettent de repérer les îles et les courants, quoi. Et tout à fait, mais ce qui est extraordinaire, c'est la mémorisation. Ces cartes sont dans la tête. Ouais. Vous avez déjà la carte du ciel, qui est comme un petit, si on exagère, un miroir, hein. C'est cette constellation d'îles sur l'océan se reflète d'une certaine façon dans la constellation des étoiles dans le ciel. Et ça, c'est mémorisé dans le cerveau de maître navigateur. Ces navigateurs modifièrent-ils à leur arrivée et modifièrent-ils profondément le paysage ? Aïe. Eh ben, c'est ce que tout le monde dit, mais parce que là, on voit une invasion quasiment. Et les archéologues actuellement, depuis un moment, hein, ont tendance à dire qu'ils modifient énormément le paysage. C'est évident qu'ils modifient la nature, le paysage, mais peut-être pas d'une façon aussi draconienne qu'on le dit actuellement. S'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas pu survivre sur ces îles. Et au départ, ils étaient peu nombreux. Il y a vraiment une connaissance, une gestion des ressources, une gestion de la nature et de l'environnement beaucoup plus importante, et même on pourrait s'en inspirer. Ouais. Mais je pense qu'on a vraiment exagéré la déforestation, parce qu'ils auraient tué tous les oiseaux, ils auraient tué tous les poissons. Et si on se fie à certains indices archéologiques, on peut faire des erreurs. Par exemple, dans le cas des hameçons, au départ, il y a une grande variété d'hameçons dans les sites archéologiques, dans la stratigraphie. On trouve des tortues, beaucoup de bonites, du thon, et dans les niveaux supérieurs, on ne les trouve pas. Mais on ne les trouve pas à l'endroit des sondages où ont travaillé les archéologues. Donc, ils ont conclu que les poissons, certains types de poissons, les tortues, ont été exterminés par les Polynésiens. Mais il y a peut-être une évolution sociale. Ce ne sont pas les mêmes pêcheurs. Au départ, on pêche pour la famille ou pour soi, donc on consomme les poissons sur le lieu de pêche même. Mais plus tard, lorsque la population augmente, lorsque le village, la vallée s'est installée à un autre endroit, ce sont des maîtres spécialistes de pêche qui viennent pêcher pour la communauté. Donc, ils apportent leurs hameçons et ils rapportent les poissons, les tortues dans la vallée principale où habite tout le monde. Donc, on ne va plus les trouver sur les sites archéologiques. On les trouve ailleurs. Nous avons récemment consacré une émission à l'anthropogonie, le mythe des origines de l'homme. Existe-t-il un de ces mythes originels pour les îles Marquises ? Alors, pour être honnête, ce qui me vient d'abord à l'esprit, c'est le Kumlipo, qui est très connu pour Hawaï, qui est un récit qui raconte la création du monde à partir des fonds de la mer, etc. Il faut savoir que chaque famille, chaque clan, chaque groupe a sa propre cosmogonie, enfin sa propre façon de raconter la création. Tout cela faisant partie de la grande famille polynésienne, bien entendu. Alors, pour les Marquises, on a des grands récits généalogiques, malheureusement, tout petit nombre a été conservé en particulier, par exemple, autour de 1895 par Frédéric Christian, les éléments sont conservés avec ces sortes de pelotes de tressage avec des grandes, des tomata, matatatao, avec les fibres qui découlent de ces pelotes et des nœuds qui permettent de mémoriser à chaque fois le couple, etc., qui ont permis de naissance en naissance à expliquer l'arrivée sur le sol, hein, de tout ce qui existe, de tout ce qui crée, finalement, les hommes étant eux-mêmes issus de cette même ancêtre premier qui a expliqué la présence des roches. Pour les Marquisiens, souvent, ils sont issus de papa la roche, etc. Donc la création est conçue un peu de la même façon, l'importance de la mer, puis de la mer qui a de l'arrivée sur terre des humains, de la naissance de la roche, un peu comme en Nouvelle-Zélande, etc., de papa le franchi le ciel, voilà, l'union du ciel et de la terre, etc., des conceptions ailleurs. Pierre Rotino, les principaux vestiges ne datent pas, bien sûr, de l'arrivée de l'homme, et par force, mais plutôt du XVIe ou du XVIIIe siècle, juste avant, bien sûr, le first contact. Il s'agit alors d'une architecture monumentale de pierre ? Ah ben non, les premiers éléments, on les retrouve dès l'arrivée des Polynésiens, bien sûr, mais évidemment, c'est un petit groupe, donc ils ne vont pas faire le même type de construction. Et tous les vestiges dont tu parlais, architecturaux, que l'on trouve que les premiers occidentaux ont pu découvrir, en effet, datent du XVIe, du XVe, du XIVe. Mais souvent, il y a une succession, une évolution. Donc, on y allait vers le mégalithisme, si l'on peut dire, pas tout à fait, mais vers des monuments de plus en plus importants, gigantesques. Il y aurait eu jusqu'à 100 000 Marquisiens? Eh ben, c'est une estimation, évidemment. C'est énorme, aujourd'hui. Ils sont combien aujourd'hui? C'est ça qui est affolant et c'est ça qui est formidable. Actuellement, ils sont à peu près 9 000 habitants. Mais seulement, il y en a autant, peut-être le double, ailleurs, des Marquises, c'est-à-dire ici, Tahiti, aux États-Unis, à Tahiti surtout. Mais dans les temps anciens, l'estimation même Cook, mais qui n'avait découvert que les îles du Sud, avait estimé même la population à 200, mais c'est toujours très aléatoire. Mais 100 000 ou 80 000, c'est fort probable si on se base sur les vestiges archéologiques. Et ça, c'est extraordinaire parce que ces îles ont pu nourrir, sans aide extérieure, une population 10 fois plus nombreuse qu'actuellement. Alors qu'actuellement, souvent, on a toujours des préjugés, on dit que les Marquises ne peuvent se passer de l'aide de la France ou de l'aide de Tahiti, parce que les modes de vie ont changé, bien sûr. Donc c'était une belle réussite sociale de l'organisation sociale. Et gestion d'environnement, et ce qu'il faut imaginer, c'est que les Marquises, toutes réunies, ont à peu près la superficie de Tahiti, Moréa réunie, et cette population, si on est autour de 100 000, ce serait la population de la Nouvelle-Zélande, qui est moins grande que le Japon, mais qui avait plus de place quand même, mais avec des conditions très différentes. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. La culture matérielle, les objets du quotidien, est la base des études archéologiques. Là encore, ces objets sont extraordinaires. Les hameçons, les leurres abonites d'une rare complexité. J'évoque à cette occasion la mémoire et l'œuvre de José Garanger, qui fut un de mes professeurs, mais surtout votre père Fahamou Pierrotino. Eh ben oui, mon papa Fahamou, comme on dit, le père qui m'a nourri, et ça c'est très très important. Qui a œuvré beaucoup en Polynésie. Ben, énormément, et c'est évident, c'est une lourde hérédité pour moi. Et ben, il a travaillé aux îles de la Société, bien sûr, au Tuamotu, au Vanuatu, et il m'a amené évidemment avec lui sur les chantiers archéologiques. Pierrotino, y a-t-il une culture matérielle, une culture spécifiquement marquisienne? Est-ce qu'on a une tendance au régionalisme? Obligatoirement, parce que ces îles du Pacifique sont extrêmement variées. Lorsqu'on les connaît un petit peu, si on en voit une ou deux, bon, on pense qu'on les a toutes vues. Mais entre les atolls des Tuamotu, les îles hautes avec Lagon, des îles de la Société, par exemple, les Cook, les Gambiers qui sont beaucoup plus au sud, en latitude, donc avec un climat froid, les Marquis, c'est totalement différent. Aux Marquis, ce sont des falaises, des rochers. Un ancien administrateur a parlé de montagnes du Pacifique. Il n'y a pas de Lagon, il n'y a pas de récifs. Donc on n'a pas forcément la même relation. Et les gens se sont, à partir d'un fond commun polynésien, bien sûr, chacun a acquis une spécificité. C'était qui est très reconnaissable, que l'on voit très bien d'ailleurs dans l'exposition du musée Clément Lee. Tout à fait, dans l'art, dans les matériaux et dans l'art, dans la façon de rendre la figure humaine. Les Marquises sont bien sûr la terre des hommes, selon l'expression. Toutefois, l'homme aurait laissé des terres désertes. Terre des hommes, bien sûr, mais terre des hommes, c'est un peu une réduction homme au sens général. Sinon, on dit « fenua enata », mais « fenua enata vahana » pour les hommes, « fenua enata vehine » pour les femmes. Donc, c'est autant, bien sûr, une terre des femmes et des terres des hommes. Et on laisse des terres désertes. Alors ça, cette idée de terre déserte en particulier, bon, il faut dire que la superficie des plus grandes îles, c'est autour de 320-300 km². Là, on peut trouver ce qu'on appelle des Nuku'ata'a, des terres désertes. En fait, quelque chose qui se retrouve à travers, je pense, une bonne partie de l'Océanie, qui sont des espaces, non pas déserts, mais où l'on n'habite pas vraiment et où toutes sortes de choses se passent. On peut s'affronter, hein, les clans peuvent s'affronter. Là, en particulier, il peut y avoir des exploitations de filons de roche, par exemple, les marginaux, c'est rare, mais il peut y avoir des lieux où se retrouvent des personnes qui, pour des raisons diverses et variées, s'isolent de la société. Ce sont d'autres espaces de vie ou d'affrontement. Des espaces funéraires. Et juste pour le prendre, Nuku'ata'a ou Henua'ata'a, ça veut dire la terre où l'on marche, dans le sens, on marche, on ne s'installe pas, on ne s'arrête pas, et on ne va pas y aller avec femme, enfant. Plus juste que désert. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons l'archéologie des Marquises avec Marie-Noëlle Otino, ethno-historienne, et Pierre Otino, archéologue. Au XVIIIe siècle, le tatouage est une sorte de deuxième peau pour les Marquisiens et Marquisiennes. Celui-ci fut interdit par la suite. Alors, deuxième peau est interdit. Et l'interdiction, elle s'est faite relativement tardivement, et bien sûr, une fois que les missionnaires, des missionnaires catholiques, hein, plutôt aux Marquises, il y a bien eu des implantations de la London Missionary Society, donc plutôt protestante, et puis Hawaiian Board Mission. C'était très difficile, en fait, de convertir les gens de ces îles. Et l'interdiction s'est faite tardivement au cours du 19e siècle. Ensuite, si vous voulez, les gens se sont fait tatouer plutôt les parties qui n'apparaissaient pas. C'est plutôt la vision extérieure qui les gênait. Et puis, c'est une deuxième peau, parce que c'est ce qui fait l'homme, sa place dans la société, la caractéristique du fait qu'on est humain, qu'on n'est pas les dieux. Les dieux peuvent changer de peau. et ne pas vieillir, ne pas mourir. Un médecin, Carl Stenen, à la fin du 19e siècle, miraculeusement sauvé ce qui pouvait l'être encore. Miraculeusement, comme vous le dites, il est passé en 1897-98, passionné par l'Amazonie, par quantité de choses, et au début de la psychanalyse, il a été frappé par la force, finalement, et la dureté de voir ce peuple qui faisait des créations extraordinaires, hein, l'art des marquises est réputé, et de voir se désertifier complètement ses vallées. Il les a parcourus à cheval à pied, des missions du musée de Berlin d'ethnographie, et il a interrogé avec une patience extraordinaire et noté les souvenirs des maîtres spécialistes, des maîtres de savoir. Il y en avait pour chaque domaine, ce qui tenait une place à chacun dans la société. Et il s'est intéressé au tatouage parce qu'en fait, c'est l'iconographie. Cette façon d'inscrire sur la peau tant de choses fondamentales, la place de l'individu, sa place dans la généalogie, sa fonction sociale, qu'ils inscrivent dans certains nombres d'objets, pas sur tous les objets. Et ça a été sauvé in extremis puisque la population est tombée à 2000 habitants aux alentours de 1920, quoi. Le tatouage, c'est le moyen de faire voir son rang, sa maturité sociale. C'est non seulement faire voir, effectivement, c'est faire voir puisque on vous regarde et qu'on est peu habillé, on n'a pas besoin d'être habillé, si je puis dire, on porte plutôt des ornements que des vêtements, mais on devient adulte, on a une place dans la société quand on a ses tatouages, les premiers tatouages. En 2002, sur le marais de la Papeno à Tahiti, j'ai rencontré Raymond Graff. Ah. Déjà dans les années 1970, une partie de la culture, déjà, je l'ai commencé à mettre en place parmi déjà les reconstitutions qui peuvent se dérouler sur les monnaies, comme nous le voyons aujourd'hui. Il y a ensuite le tatouage également que j'ai fait renaître en 1983. Il y a ensuite tout le rituel et le cérémoniel concernant à faire boire la pirogue, puisque les autres appellent ça baptiser une pirogue. Moi, je dis non, ils sont tout à fait à côté de la plaque. On ne baptise que les êtres humains, mais on ne baptise pas les éléments solides. À partir de là, les cérémonies concernant le premier championnat du monde des pirogues de course mondiale ont été faites ici à Tahiti en 1988, et depuis, ils ont fait leur chemin. Et je crois, depuis 1983, j'ai fait quand même faire revivre la cérémonie de la marche sur le feu, où on traversait une fournaise de 8 à 10 mètres de long, avec des températures qui avoisinent les 1000 degrés. Donc je pense que la culture, le cérémoniel, le sacré, le tapou, je crois que je l'ai mis en place. Mais il y a encore beaucoup de choses qui me restent encore à faire et que je dois transmettre à mon peuple avant que je rejoigne les cieux des dieux. À la recherche d'une identité marquisienne ou polynésienne, le tatouage est une des clés du renouveau. C'est certainement un élément extrêmement marquant, c'est le cas de dire, de cette volonté de, si ce n'est retrouver, parce qu'il y a des éléments qui n'avaient quand même pas complètement disparu, surtout dans les îles éloignées de Tahiti, Marquise, on est quand même à 1500 kilomètres, et donc il y a énormément de phénomènes, j'allais dire, c'est pas tout à fait d'acculturation, mais de modernisme qui n'ont pas à ce point transformé la société, mais quand même de revendiquer sa polynésianité, si l'on veut, de montrer que l'on est de ce pays et que l'on en revendique l'appartenance, hein, et ça c'est clair, et ces motifs sont très très beaux, il faut être honnête. Et les Marquisiens ont un talent remarquable, ils ont un sens de la sculpture, un sens du tracé, et ce sont d'excellents tatoueurs. Tout reste, un certain nombre, hein, sont implantés à travers la France. C'est une façon de dire qu'on est de ce pays, c'est clair. Le tatouage, ça la permet aussi d'attester de son courage, de sa force, on va dire de son mana, d'immortaliser les événements. Cela a été de cette façon et ça leur reste d'une certaine façon aussi. Ça a été très très fort la façon de montrer d'abord que la société vous reconnaît une place, vous accorde la telle ou telle place, que vous appartenez à telle ou telle famille. Maintenant, tous ces codes ont été, il faut dire, on a parlé de l'interdiction du tatouage, il faut dire aussi que la population, ce qu'on a dit tout à l'heure, énormément disparue, et chacun détenant une part de pouvoir, il y a une partie du sens des choses qui a lui-même disparu. Donc on se tatoue maintenant pour montrer effectivement qu'on appartient à une île sans avoir tous les codes. Mais on appartient, on a ces motifs qui commémorent par exemple le fait d'avoir été au premier festival des Marquises. Ils l'ont fait d'abord au Feutre et puis ils l'ont fait pour de vrai, ou TV, pour les Juillet de Tahiti. L'interdit, le tabou, affecte-t-il aussi le tatouage ou affectait-il aussi le tatouage. Alors, et là, le tabou, c'était une façon d'organiser, de réglementer la vie sociale. Cette société, les gens étant extrêmement nombreux, il fallait codifier les comportements, la façon de gérer. Alors, gérer l'environnement, c'était une sorte de tabou qui portait un autre nom, le Kaoui, le Aoui ou Raoui, le nom le plus connu par Tahiti, etc. Et ce sont des façons d'être interdit de certaines choses pour des raisons bonnes, parfois mauvaise, parce qu'il y avait une telle superposition d'interdits, interdits décidés par les chefs ou les prêtres, bien entendu, et le tatouage, il y avait tout un ensemble d'interdits pour que ça fonctionne. Alors, le tabou est bien sûr un mot polynésien. Tabou, oui. Le tabou est aussi une notion complexe, au-delà de l'interdit, puisque, pour preuve, James Cook aurait été lui-même tabou, enfin du moins d'après Marshall Salins. Tout ce qui est important peut être frappé par le tabou, parce qu'on n'aborde pas, on n'approche pas n'importe quoi, n'importe comment. Parce que derrière le tabou émana, il y a cette force extraordinairement forte. C'est presque comme un courant électrique, il ne faut pas s'électrocuter. Donc il y a tout un code que quelqu'un d'aussi important, ils l'ont bien repéré, que James Cook ait été, entre guillemets, tabou pour le commun des mortels, c'est fort, bien sûr, c'est tout à fait possible, probable et évident. À la recherche d'une identité marquisienne, les espaces cérémoniels de danse sont aussi aujourd'hui totalement réinvestis, Pierrotino ? Totalement non, parce qu'il en reste bien sûr énormément et la population était bien plus nombreuse. Mais ça prend une place de plus en plus importante, en effet. Mais ça traduit également, c'est comme le tatouage, il y a un renouveau, il se ressource, un redynamisme, une revitalisation, disons, de la culture marquisienne. Et ces sites de plein air qui accueillaient une bonne partie de la population, des festivités, des chants, des danses, des échanges, de la nourriture également, du kai-kai, était très important pour la cohésion de la communauté à l'intérieur d'une tribu, d'une vallée, mais également il y avait bien sûr des personnes qui venaient de l'extérieur, d'autres vallées, donc c'était fondamental. Et là, un certain nombre de sites archéologiques de grande dimension, ce qu'ils appellent les tohua ou les tahakoika, donc des sites communautaires en fin de compte, sont réinvestis, sont dégagés, sont relevés, sont étudiés archéologiquement plus ou moins parce qu'ils sont immenses et on manque d'archéologues ou marquises comme en Polynésie, comme partout locaux, à vrai dire, hein, évidemment. Même si et le festival des îles marquises, le Matava'a, se joue, se tient sur ces tohua. Ce renouveau, on en parle, et ces lieux de danse, il faut absolument parler de ce mouvement aussi qui a lieu, il y a dans les années 70 et déjà un petit peu avant, de la part d'instituteurs, même de l'Église, hein, de Monseigneur Lecléache qui est arrivé lui-même breton et qui n'a appris le français qu'à l'école. Il y a eu un ensemble de personnes, d'une volonté de ne pas se faire complètement aussi englober dans la langue tahitienne, l'obligation de parler un peu plus tardivement le tahitien plus le français et ne plus parler, risquer d'oublier sa propre langue. Donc c'est aussi une des premières mouvements, une première association culturelle du territoire, c'est Motuaka, et c'est ces groupes d'instituteurs, ce sont ces gens qui vont aussi à travers la danse, à travers la recherche des récits anciens accompagnés par Henri Lavandès et d'autres qui vont contribuer à faire revivre. C'est la volonté que la messe, par exemple, soit dite en marquisien, que la personne de population croyante, que les parous soient introduits dans l'église, et Monseigneur a béni le premier site. Alors, c'est pour que les choses fonctionnent, il faut que tout soit intriqué. Est-ce que l'archéologie, pour finir, est un vecteur d'identité aux îles Marquises, comme en Polynésie française? L'archéologie, en quelque sorte, elle a participé à ce mouvement. Henri Lavandès avait enregistré, avait demandé aux vieux, avait titillé un petit peu les vieux qui n'osaient plus parler de chez soi, qui étaient les démons, peut-être, qu'on leur avait trop dit que c'était des choses, des démons, des récits dont il fallait plus parler. Alors, il y a eu ce mouvement de réappropriation et l'archéologie, elle fédère les gens autour d'eux parce que maintenant, on vit beaucoup plus près du bord de la mer et puis on a les voitures. Et toute une grande partie de ces vallées qui étaient longues, étroites, une partie n'est plus aussi fréquentée pour aller chercher les bananes plantains, on dit plantains, etc. Et finalement, quand on va débrousser un site archéologique, parce que le maire comme Madame Katupa ou Liliane Tegipupuni au sud, etc., ou d'autres, Yivaoua, veulent se réapproprier un espace, il faut re-rentrer dans les vallées. Alors, il y a des discussions avec les vieux. Les vieux disent, oui, cet endroit-là, on y faisait telle chose, il s'appelait comme ça. Et tout le monde participe, les vieux comme les jeunes, les vieux par certains gestes qu'ils montrent aux plus jeunes, et on discute. Et en fait, c'est un événement social, c'est un vecteur extraordinaire. De cohésion. C'est génial. L'archéo, oui. Marie-Noël Pierrotineau, merci beaucoup. À voir donc l'exposition du musée du Quai Branly, replonger dans les immémoriaux et Victor Ségalin, découvrir l'extraordinaire journal de James Morrison, second maître à bord de la Bounty, qui est le premier ethnologue de la Polynésie, peut-on dire, et votre très beau livre aussi, Marie-Noël et Pierrotineau, Le tatouage aux îles Marquises, publié chez Glézal à Papété. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nedjar, la technique Cédric Chatelus, avec la contribution de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr.